couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+. Et heureusement que vous ne voyez pas quand je fais le DAB de DAB+. C'est Pierre en micro pour la 5e saison consécutive. On est bien, on est là avec des artistes lorrains et parfois même on va un peu loin, on va en Marne, dans les Ardennes, on voit aussi, on voit pas mal de choses. On va en Alsace aussi. Parfois, coucou à tous nos amis du 68, du 67 et du 69. C'est drôle, non, ça n'est pas. Si vous nous rejoignez, que vous soyez samedi à 13h ou que vous soyez dimanche à midi, la langue française est maltraitée dans cette émission. Bon appétit, puisque c'est l'heure de manger ou de prendre l'apéro avec modération. Nous allons nous emboîter, mais pas de la façon conventionnelle. Nous allons nous emboîter en musique avec le trio Puzzle. Et comme un puzzle, parfois il manque des pièces et ce trio, ils sont que deux. Et ça, c'est beau, on fait déjà des métaphores géniales. Ces puzzles, c'est de la French électro-pop, Frenchy pop, électro-Frenchy, quelque chose comme ça. Ouais, French touch pop. French touch touch. Frenchy. C'est dur c'était à bien, dire c'était rapidement. Bien French touch pop. Ouais, c'est impossible à dire. Surtout dire un truc français. En le définissant en anglais, c'est extrêmement bizarre. C'est très difficile. Ouais, Nous sommes avec Thibaut, chanteur, claviériste, bonjour. Guitariste, trompettiste, tromboniste. J'aimerais bien, mais ma maman ne voulait pas. Ne voulait pas, mais on l'embrasse quand même, puisque sans sa maman, il n'y aurait pas Thibaut et il n'y aurait pas Puzzle. C'est vrai. Il a un nom d'arbre, c'est Olivier. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est la première fois que je présente quelqu'un qui s'appelle Olivier comme ça, c'est nul. Parfait. On m'appelait Puget à l'école. On m'appelait Puget. Ouais, les gens sont très drôles quand on est enfant. Et du coup, on finit par être musicien à cause de nos traumas, c'est con. Olivier, tu es le bassiste. Absolument. Il en faut, chers amis, il en faut. Parfois, il n'y en a pas, mais là, il en faut. Vous avez Cédric, qui est aussi au clavier, aux guitares, mais qui n'est pas là. Oui, Cédric est la pièce manquante du puzzle aujourd'hui, ouais. Celle que tu cherches à la fin, et ça t'énerve, parce que putain, elle est où ? Est-ce qu'elle est sur le tapis ? Où est Cédric ? Sans laquelle, rien n'a de sens. Exactement. Rien n'a de sens. La vie n'a pas de sens, et quand la vie n'a pas de sens, on la met... en musique, parce que même si elle n'a pas de sens, si elle est douce à nos oreilles, eh bien ça fait du bien. Et vous, c'est doux. C'est doux, ça se mange sans faim. C'est déjà sur YouTube, sur Spotify, un peu partout. Ouais. C'est, si j'ai bien compris, vous sortez des chansons qui font tous partie d'un album éponyme. Ouais, alors exactement à la base, comme on est quand même relativement vieux, on voulait sortir un disque, tu vois, on s'est dit « Ah tiens, refaisons de la musique, sortons un disque », comme on faisait dans les années 90. Et on l'a enregistré, et au moment de le sortir, on nous a dit « Non, non, alors attendez, parce qu'en fait, ouais, là vous êtes en 2020, on ne sort plus des disques, on sort plein de singles, parce qu'il faut occuper le terrain et avoir de l'actu tout le temps. » C'est ça. Donc voilà, maintenant on a dit « Bon, bah, notre disque sortira en fait en plein de petits singles les uns les autres. » Et puis une fois que tous les singles ils seront sur les plateformes, il y aura le disque en version... Alors l'album... Lui, l'album physique est déjà disponible. Mais alors là, on a découvert que... Ouais, mais oui, mais il est sorti en février pour des sombres histoires de financement, de subventions, etc. C'est extrêmement ennuyeux, donc je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, l'album est déjà disponible et on a réalisé à ce moment-là qu'en fait, plus personne n'a de platine CD. Donc en fait, il cale des meubles aussi très très bien. Ouais, c'est vrai que... Même sur des PC, moi j'ai un PC, il n'y a pas de lecteur. C'est non, ouais, ouais. Et j'ai essayé sur la PS3 et bon, le son est tout pourri parce qu'il sort de la télé. Donc vraiment, c'est... Mais il y a un joli livret. En fait, c'est plus ça l'intérêt de l'album. Ouais, voilà. Donc il est déjà sorti en février, mais vous dévoilez des singles par single. Exactement, okay. Sur les plateformes. Très bien. Je n'ai pas fait mon travail de journaliste, mais vous m'avez pris au pied du lit. Je plaisante, évidemment, je le savais, il faut bien poser des questions. Puzzle, c'est un emboîtage, un emboîtement. Trio aux allures vintage rétro-pop, vos morceaux sont comme une collection, oui je suis en train de lire, de pièces qui se répondent, c'est beau ça, mais c'est la vie un peu, moi j'adore les power trio parce que c'est très intéressant le fonctionnement d'un power trio, quand un groupe c'est un peu plus grand, ouais, cette phrase ne veut rien dire. Non mais c'est vrai que c'est quelque chose... qui est aussi nouveau pour nous, parce qu'on se connaît de longue date. On faisait tous les trois partie d'un groupe dans lequel on était cinq, qui s'appelait Norma Pills. Ouais. Et voilà, ce groupe s'est arrêté pour différentes raisons. Et au moment où on a décidé de reprendre ça, on s'avère qu'on était tous les trois dans la région nancéenne. Et que voilà, je sais pas, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dit, tiens, la musique, c'était quand même pas mal. On s'est dit, tiens, réessayons. Et on n'était que trois. Et c'est vrai qu'il a fallu un peu réapprendre à travailler juste à trois et en fait, tu as plus de place, donc c'est un peu compliqué de redéfinir qu'est-ce que tu peux faire, où sont les limites des autres, etc. Mmh. La liberté des uns commençant là où s'arrête celle des autres, il fallait un petit peu faire sa place, quoi. Qui a dit ça ? Qui est l'auteur de cette phrase? Je ne sais pas, Olivier. Ah, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que en rantaine, nous parlions de la basse et tout. Et du coup, on s'amusait en fait à refiler une place un peu particulière à chaque instrument, à chaque personne. Et du coup, on n'a pas la même manière de travailler à 3 qu'on avait à 5, bien évidemment. Parce qu'en fait, tout est plus direct. Tout est, marche comme un peu comme un trépied, comme ça. Et ouais, c'est comme si on était en flux tendu, comme ça, dans la communication et dans le rendu musical. C'était moins le cas avant, parce qu'il y a plus de bruit, plus de brouhaha, plus de gens, plus d'avis. Ce qui est bien aussi, mais qui est différent. C'est vrai. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Ah, j'ai tellement, pas grand chose à dire non plus. Tellement, c'est intéressant. Tellement, Thelma, c'est le nom du dernier single qui est sorti. Les transitions. Alors, je vais vous poser une question. Cette question est la suivante. De quoi parle ce morceau? Alors souvent, soit on me répond « Bah les gens, ils ont qu'à écouter, hein, ils vont écouter !» Et puis voilà, et du coup, bah, je rentre chez moi, je chiale. Ou soit on tease un peu le truc. Non, on nous a beaucoup demandé de quoi parlent nos chansons. On a été obligé d'un seul coup de les écouter. Et on s'est rendu compte que... enfin, on est un peu à un âge de... Comment on pourrait dire ça? Ma psy dirait une espèce de crise de milieu de vie, comme ça, tu vois. Où tu remets un petit peu... Tu reviens sur qu'est-ce que tu as vécu, sur tes espoirs, tout ce que tu n'as pas réussi à faire, etc. Et bref, je ne sais pas où je vais avec cette phrase, parce qu'on parle beaucoup de filles, en fait, tu vois. Et tellement, Thelma, c'est un peu un truc sur un espèce de fantasme que tu essayes d'atteindre, qui t'échappe et qui revient et qui te hante un petit peu. Ok. Voilà. Et ça a été surtout l'occasion pour Cédric de nous faire... Est-ce que Cédric est le poète d'entre nous trois, je crois qu'on peut le dire. C'est lui qui écrit les textes. On écrit à plusieurs, mais c'est vrai que lui a probablement la patte littéraire la plus marquée. Ouais, quoi. Et, voilà, quand le groupe ne marchera pas, il pourra peut-être écrire des bouquins et lui y arrivera. Tu vois. Okay. Moi, je les lirai en tout cas, ces livres. Big up, Cédric. Moi, je les lirai pas. Je sais pas lire. Ok, c'est tout pour ça. Ouais, non, mais enfin, je peux continuer à raconter n'importe quoi, mais si. C'est vrai. Tellement Thelma, c'est sur YouTube, Spotify. Alors, on n'a pas de clip sur Tellement Thelma, mais elle est sur Spotify, enfin oui, il y a l'audio sur YouTube, sur Spotify, tout ça. Très bien. Eh bien, on écoute ça tout de suite. On est avec Puzzle sur Fadjet dans Couleur Locale. Oh. tellement Thelma de Puzzle sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous nous rejoignez et que vous avez raté le début de l'émission, pas de panique, ne pleurez pas. Le podcast sera disponible sur Spotify for Podcaster dimanche à 18h. En théorie, ce sera plutôt mardi à 19h parce que je ne le mets jamais dimanche à 18h. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais oui. Et on est en musique, ce qui n'a rien à voir. Parfois, les transitions ne viennent pas. Est-ce que ça va, mes chers amis? Ça va super. Ça va. Nous sommes avec Thibaut. Pourquoi je regarde mes notes? Thibaut, chant, guitare, clavier. Bonsoir. Qui a un t-shirt rouge, rose. Couleur rouge de Fadjet. Couleur de Fadjet au moment où on se parle. Et Olivier, qui a un t-shirt blanc comme la pureté des colombes qui s'envolent, comme le mur qui est derrière lui. Et la couleur de Fadjet, j'ai l'impression que c'est un peu blanc. Et il y a du blanc. Mais Fadjet, c'est blanc, noir et rouge. Ce qui en dit rien du tout. Puzzle, Frenchy Electro, Touch Pop. French Touch Pop Electro. French Touch Pop Electro. Hello, this is Puzzle. Yes, we are so glad to be here. It's a real pleasure. It's a real pleasure. Yes. Donc on a écouté tellement Thelma, on écoutera après une reprise de Desireless, si on essaie de prononcer ça avec un vrai accent anglais. Voyage. C'est voyage, voyage. J'aime beaucoup le voyage. J'aime beaucoup le voyage. Dans le pack Cosmos. Et alors, et, tu vois. Et ça, c'est marrant, je te coupe parce que ça devient chiant. Mais non, je plaisante. T'as choisi, je me rappelle plus les raisons, mais pourquoi tu voulais qu'on passe une reprise? C'est pour montrer quelle facette de Puzzle? Alors écoute, c'est une excellente question. J'ai tendance un peu à comme oublier. Je m'occupe beaucoup de. Non, alors pas de la communication du truc et tout. En fait, j'ai discuté avec tout un tas de gens et je me rends compte que je deviens presque un peu formaté, tu vois. Et d'accord. Que du coup, on me dit, ouais, bon, alors c'est bien d'avoir un single, après de faire un truc que les gens connaissent déjà, comme ça ils peuvent un peu t'identifier et tout. Ouais. Et donc, quand tu m'as demandé les titres, j'ai dit, ah ouais, bah mettons voyage, comme ça on pourra. Nous assimiler à les années 80. Ouais, parce que c'est ça. Ce qui ressort hein, dans le. Ouais, exact. Bah, c'est vrai qu'on s'était dit, pas rendez-vous dans 10 ans, mais on s'était dit qu'on allait faire des trucs pas forcément originaux. On s'est dit, tiens, on va se faire plaisir et tout, sans vraiment se dire, tiens, on va faire ça. Mais en fait, on se rend compte que ben, on peut faire ce qu'on veut. Malgré nous, on arrive toujours quand même sur des trucs qu'on écoutait quand on était jeune, ado, etc. Et que forcément, ben, les années 80... Vous étiez ado dans les années 80? Vous êtes si non, non, non, pas du tout. En fait, je dis ça, on était juste jeunes. On est nés dans les années 80. Ouais, on est nés dedans. Ouais. Dedans. Donc, on a changé nos couches en passant probablement des Earless. Ouais, c'est vrai. Ça, ça fait partie de la couleur, quoi. Enfin, voilà, c'est des sons, c'est des sonorités en fait qui nous sont familières. Je crois que c'est pour ça qu'on aime bien ces trucs. Je le disais en antenne, c'est une vieille. Il y a un revival des années 80. J'ai même envie de dire que c'est même plus qu'un revival, c'est que ça n'a jamais disparu. C'est vraiment un truc qui. Écoute, tout le monde aime, tout le monde reconnaît. Mais c'est hyper étrange parce que de l'autre côté de la barrière, j'ai plutôt l'impression qu'on nous le reproche assez souvent. Dire, ah non, c'est trop années 80, ah, c'est trop. Et moi je suis là, bon, bah, tant pis. Enfin, bah, chacun son. La prairie est plus verte dans la paille de ton voisin. Mais, mais ouais, non, enfin, on nous a beaucoup reproché justement ce truc un peu trop inspiré années 80 et tout. Et en fait, alors, je le reconnais bien volontiers, mais c'est vrai qu'à aucun moment, moi, ça m'avait marqué, tu vois. C'est juste que Cédric et moi, on vient on a fait du piano, des trucs à clavier, quoi. Mm. Donc forcément, t'enchaînes rapidement sur les synthés, les trucs comme ça, donc t'es tout de suite un peu marqué. Mm. Et après, il faut reconnaître quand même aux années 80 qu'il y a des sacrées mélodies, et c'est un truc qui nous parle plutôt, quoi. Il faut trouver son style pour se démarquer, mais c'est bien de s'inspirer. Et en termes d'inspiration, pour revenir sur des questions plus classiques, je ne poserai pas la question à Cédric, puisque Cédric est la pièce manquante du puzzle qu'on embrasse, mais je vais vous poser la question sans lire le dossier de presse que tu as expressément fait et m'envoyer. quelles sont vos grandes inspirations, Olivier, tiens. Grandes inspirations Franchement, c'est... Non, c'est vraiment une question assez étrange pour moi, parce que j'ai quand même l'impression que voilà, je balaye, je vais chercher pas mal de choses. Néanmoins, j'ai quand même des choses comme Supertramp qui me viennent à l'esprit. Okay. Moi, j'aimais bien le rock, un peu le punk, j'aimais bien Bad Religion, des trucs comme ça. J'aimais bien. Bad Religion. Bon, j'aime bien Carpenter Brut. Mais il me fait plaisir. J'aime bien Voyou. J'aime bien en chanson française. J'aime bien des trucs comme ça. Je sais pas, il faudrait que j'ouvre mon portable. On est passé de Bad Religion, qui est comme un grand groupe de punk rock aux États-Unis, à Carpenter Brut qui font de la synthwave, parfois mais... un peu teintée rock. C'est très large comme spectre. Mais tout est comme ça en fait, et, mal, et on est un peu tous pareils, c'est-à-dire que ça peut aller, ça va de Bach à les Beatles, et puis après on va écouter Yale, et puis voilà. Enfin, je prends l'ordre alphabétique parce que ça m'aide un peu à organiser le truc, mais on va piocher un petit peu dans les trucs comme ça. Et Thibaut, alors, il parlait de mélodies, c'est vraiment ça, on va chercher des mélodies, quoi. Et ça me dérange, enfin, j'ai aucun problème, enfin, c'est même pas de problème, mais en tout cas, je vais chercher ça quand ça me plaît. Ouais, il n'y a pas d'étiquette, je... quoi, non, si ouais, bien, et puis voilà, quoi. Oui, voilà, c'est... Ok, belles influences, en tout cas des influences que je connais, parce que des fois, on me cite des groupes et je fais « Ouais !» Qu'est-ce que c'est ? Thibaut. Oui, je vais pas faire très original, je veux dire un peu la même chose qu'Olivier. Moi, je sais que j'ai essayé de faire une playlist, parce que dans les trucs qu'il faut faire quand tu lances un projet, on dit « Ah, pour qu'on t'écoute, fais une playlist sur Spotify avec tes influences, et ouais, dedans, tu mets 2-3 morceaux de ton groupe et tout. » Je me suis dit « Bah, c'est super, je vais ouvrir mon iTunes, et puis je vais... iTunes, hashtag, on est vieux. je vais ouvrir mon lecteur de musique, et je vais piocher tous les morceaux que j'aime bien dedans, et en fait, je suis passé de la pathétique de Beethoven à Michel Berger, à Ayam, à des trucs, enfin tu vois, j'ai vraiment aucun, je sais que dans le dossier de presse en tout cas, on a mis des trucs pour faire un peu French Touch, on a mis Phoenix, on a mis l'Impératrice, on a mis des trucs un peu comme ça. Pour cadrer quoi. Histoire de dire, c'est comme quand tu fais un peu de la pub, on te dit oui, mais bon, alors, dis-nous, les gens, qu'est-ce qu'ils écoutent, pour qui ils aiment bien toi, ils écoutent quoi chez eux, tu vois. Et en fait, franchement, il y a des morceaux, je me dis, je sais pas, Julien Doré, tu vois, et d'autres morceaux, je me dis, Nada Surf, enfin, vraiment, c'est hyper difficile de répondre à cette question. Je sais que il y a des bases classiques dans nos choix d'accords, par exemple, dans nos harmonies, dans nos trucs comme ça. C'est hyper pas du tout original, mais les Beatles, dans leur manière de... Enfin, la mélodie des Beatles, c'est un truc qui nous fascine. Et après, c'est tout ce qui nous fait un peu bouger la tête, quoi, qu'on trouve intéressant, quoi. Je pense que l'important dans le style que vous faites, c'est de bouger la tête. Exactement. Et de partir avec vous en voyage. On partait dans le voyage. Vous avez fait une reprise de Desireless. Yes. Yes. Donc c'est Travel. on le traduit pour toi, le public français. Pour le public français. Alors moi, c'est un morceau, c'est rigolo parce que je préfère toujours les covers à la version originale. Ouais. C'est parce que la version originale me fait chier royalement. Et à chaque fois que j'entends un truc, genre j'ai entendu une version métal, une version reggae, je me dis ah ouais. Qu'en fait, c'est non, mais le morceau est assez ouf. Enfin, quand on a cherché un peu dans nos iTunes, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre qui serait un peu rigolo. On s'est dit tiens, celle-là en fait elle est pas mal. La mélodie est assez bordélique à chanter, mais en fait le morceau est vraiment extrêmement bien écrit. Et, ouais. Et celui-là, il est sur les plateformes aussi. Il est sur les plateformes. Ouais. Il y a même un clip pour le coup pour celui-là. Ah, il y a un clip. Ouais. Et bien, on va regarder ça. C'est une reprise de Desireless, c'est Voyage Voyage. On est avec Puzzle, Thibaut, Olivier sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous nous rejoignez, eh bien restez avec nous pour le reste de l'émission. Voyage Voyage, le mec qui se perd totalement. Voyage Voyage sur ne Fadjet. Ne parle pas le voyage tout de suite. 94.2 à Nancy, Fadjet.net et en DAB+, Pure en micro, un podcast dimanche à 18h. Si vous êtes gentil, Voyage Voyage, Puzzle. Voyage, voyage. Je voulais faire un effet, genre, tu sais, quand t'annonces le titre de la musique comme ça et tout, puis en fait, j'ai pas allumé les microphones, on s'en fout. Voyage, voyage, une reprise de Puzzle, enfin, de Desireless par Puzzle. On est avec Thibaut, on est avec Olivier, il fait chaud dans les studios, malgré la clim, c'est vrai qu'on est, puis on est une marée humaine un peu aussi à trois. Ouais, mais profitons-en. Oui, profitons-en. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Ma bonne dame, il n'y a plus de saison. Puzzle, on rappelle, vous êtes sur Facebook, Instagram. Surtout Instagram. Surtout Instagram. Ouais, moi, j'ai vu que Facebook, c'était un peu... Ouais, alors, enfin, c'est encore un choix stratégique très malin, parce que j'ai l'impression que notre public est plus sur Facebook que sur Instagram. C'est possible. Mais, non, ouais, apparemment... Chacun son truc. C'est encore une douce réalité monde de la musique d'aujourd'hui, c'est que tu es obligé un petit peu de montrer ta tronche sur les réseaux, et qu'on a choisi Instagram pour montrer les tronches. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça nous semblait être le canal le plus approprié. Ouais. Mais sans doute que ça l'est en fait. Parce non, que ouais. C'est un peu les deux. Mais... Ouais, puis après, c'est vrai qu'il y a la dominante graphique. Enfin, ouais. Moi, je suis graphiste à la base. J'ai dessiné les pochettes, les machins, les trucs. Donc, on a un univers graphique assez marqué. Et c'est vrai que pour ça, Instagram, c'était pas mal de pouvoir exploiter le côté images, quoi. Ouais, voilà. Donc, vous avez un album qui s'appelle Puzzle. Yes. Album. Ah oui, album. Oui. Ben, 9 titres. 9 titres, donc c'est déjà un album. Avec Voyage, Voyage, ouais. Avec Voyage Voyage, qui est disponible déjà en CD, mais qui sert à caler les meubles. Pour exactement. L'instant. Enfin, avez... alors, si, non, si des gens l'écoutent, c'est super. Je plaisante, mais on peut l'acheter où ? On vous contacte directement ? Ouais, enfin, si tu vas sur le site, il y a un bouton commander l'album, c'est via notre distributeur qui est Inouï Distribution. Inouï, si tu nous écoutes, bonjour. Bonjour. Et là, tu nous écoutes. Et du coup, tu as un petit bouton commander par. Enfin, comme tous les trucs en ligne, quoi. Très bien. Voilà. Et puis sur Spotify, enfin, toutes les plateformes. Toutes les plateformes, Spotify, Apple Music et tout. Si mais un par. Pour le moment, il y en a 5. Ouais, je crois que c'est ça, il y en a 5. 5 ou 6 je Mais sais qui plus. Dit ça, c'est 5. 5 hein. 5, voilà. Il me semble qu'il y en a 5, et donc du coup il en reste 4 si on est bon en maths. Mais voilà, justement, c'est ça qui m'interroge, c'est que je me dis qu'il en reste que 3, donc j'en oublie un. Écoute, on vérifiera ça après. Les mecs sont vraiment très à l'aise avec leur actualité. On a fait des petits changements de planning, du coup on sait plus. C'est ça. Moi je suis perdu. Non, je plaisante. Est-ce qu'on peut vous voir jouer sur scène? Parce que la musique c'est aussi le partage scénique. Alors ouais, ça c'est le... C'est le gros bas qui blesse. C'est le gros bas qui blesse, on est en pleine... tu sais, t'as des sessions de booking où tu appelles plein de gens et tout. Là on a des dates qui vont arriver, mais pour le moment, la prochaine date est en 2025, en février, dans le 70. C'est déjà classe hein, de dire qu'on a déjà une date c'est en 2025. Ça. Mais c'est pas vraiment un choix, enfin là on... Très oui, non, mais voilà. J'avais compris. Mais on espère, non, là on espère qu'on aura des dates à partir de la rentrée. Ouais. On aimerait bien, bah, surtout à Nancy... Non, c'est, dans les alentours. C'est difficile, hein. C'est de plus en plus dur, je trouve. C'est vraiment devenu l'enfer, clairement. Comme je disais au, au tout début, on avait un groupe il y a une dizaine d'années qui s'appelait Norma Pills. Et en 2 ans, on avait fait 150 dates, quoi, sans aucun problème. Il y avait plein de petits... Ouais, tu vois, il y avait plein de petits endroits, des cafcons, c'est tout. J'ai l'impression que d'un côté, tous ces endroits, enfin, les endroits de taille un petit peu intermédiaire comme ça, ont fait, enfin, je sais pas, ouais, j'ai repris les listings qu'on avait avant, tout a fermé. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on fermait. Il y a des trucs qui sont devenus des trucs à DJ parce que c'est plus simple. Mmh. Effectivement. Et puis, voilà, même pour raconter une anecdote, on nous avait proposé de faire une grosse première partie dans une salle bien connue à Nancy. Mmh. Et je ne citerai pas le nom, mais en fait, l'artiste qu'on nous avait proposé d'ouvrir, comme on dit, a dit « Ah non, non, en fait, nous, on préfère un DJ et tout, on n'a pas envie de se faire chier avec un groupe en première partie. » Et donc, tu te dis « Bah, en fait, si même les artistes connus ouais, qui remplissent des grandes salles et tout, ont même pas envie d'aider les gens à se présenter. Mmh. » Tu te dis « Bon, bah, comment qu'on fait, messieurs, dames ?» Eh bien, tandis que l'émission, évidemment, touche à sa fin, puisque nous arrivons à la fin, ouais. Je vais faire passer ce message. Si vous êtes gérant d'un bar, d'une boîte, pourquoi pas, d'une salle de concert, aux alentours ou même un peu plus loin, bouquez Puzzle. Bien sûr, on est très gentils, on est bien élevés. Mmh. On peut aider à faire la vaisselle à la fin, oui, s'il y a besoin. Sans problème. Vraiment, on lavera les bouquets. Bouquez-les, qu'on puisse les voir sur scène. En tout cas, moi, j'aimerais bien ce genre de musique que je gentil. Vois bien dans un beau festival avec le soleil qui commence à se coucher en première partie, vous voyez un peu l'idée. C'était, pareil, l'herbe c'était fraîche, l'objectif. Sont... Ouais. Ouais. Tu sais, genre le soleil, il est genre 21h, ouais, le soleil commence à se coucher, petit festival, tu sens voilà. L'herbe, un peu l'humidité qui arrive et tout, ta Puzzle qui arrive et le jeu de lumière bleue. Exact. Tu vois, ça. Et moi, j'ai hâte d'y être. Hein. Et ah ouais, bah, ouais, et bah, ouais, on va faire ça. Et je pense que si vous arrivez à jouer, ça va couler comme l'eau d'une rivière. Moi, je sais où ils vont venir, il est extrêmement fort. Extrêmement Monsieur Dom, vous savez pas ce qui se passe, il est extrêmement fort. On va écouter, pour conclure cette émission, le titre Riviera. Et voilà. J'imagine qu'il est rivière en... Kill the Riviera. C'est the Riviera. Ouais, c'est le sud de la France. Comment tu dis chez de toi la France. C'est ça. Non, oui, c'est le, ouais. Alors, c'est pas vraiment un hommage à la Riviera en particulier, oui, mais un peu à cette... Petit imaginaire un petit peu de vacances, de soleil, de chaleur, de torpeur, de femmes. Tout va bien. De voitures des années 80, ce genre de truc. Mmh. Et ouais. On est encore dans les années 80, Olivier. Bravo. Voilà. Merci. Cinéma écoutez, en plein c'est air. Gratos, je le facture pas. Je vous l'offre. Cinéma en plein air, Pulp Fiction à l'affiche, en espérant qu'il soit bien sorti dans les années 80. Sinon, les cinéphiles vont me tuer. C'était Puzzle avec moi. Thibaut, merci Olivier, beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à toi. On se retrouve sur les réseaux. On suit Puzzle Facebook, Instagram. On partagera les liens. Le single, tous les. Il y a déjà des morceaux et il y en aura d'autres qui vont arriver. Cette phrase de merde. Et le CD, on va sur le site qui est Puzzle Top. Puzzle Top. Pop.fr. Puzzlepop.fr, ouais. Effectivement, pas top. Mais c'est top. Mais c'est... Et on écoute Riviera, merci à vous. Merci et à bientôt, beaucoup. Chers auditeurs, sur Fadjet dans Couleur Locale, le podcast promis disponible dimanche à 18h. Au revoir. Au revoir. Total n'empêche pas d'avoir mal. sur la rivière.